des Saguenayens de Chicoutimi, quelle fin de semaine pour les Saguenayens de Chicoutimi contre le Drakkar de Baie-Comeau. C'était la semaine des rivalités et c'est des Saguenayens qui se sont déchaussés, surtout au centre Henry Leonard. On en parle avec le descripteur des matchs des Saguenayens à Énergie, Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut Denis. Les Sags se sont vraiment déchaussés en fin de semaine. Ça a été tout un week-end du côté de l'attaque, passé de la 17e position à la 9e position du côté de la production offensive, selon Michael Lalancette de TVA Sports, qui vient de tweeter ça sur les réseaux sociaux. Ça a été impressionnant, ça a sorti de tous les bords, tous les côtés. Tout fonctionnait, entre autres en première période dans le match de vendredi. Jonathan Boursier, 4 buts de passe et 4 buts dans quoi? Dans 6 ou 7 minutes, je pense, dans le match en première. C'était étourdissant pour les jeunes joueurs du Drakkar, c'était étourdissant pour les partisans. Même moi, j'ai perdu le fil à un moment donné. J'ai manqué le 8e but, le dernier de la première période de Garrett Johnston. J'étais déjà en train de parler du sommaire puis du déroulement de la période, puis à un moment donné, j'ai vu les gars qui étaient en train de se serrer dans les bras dans le coin de la patinoire. J'ai fait tabarnouche, c'est rendu 8-0 dans ce match-là. C'était spectaculaire, c'était spécial. Hier, ben, ça s'est poursuivi. Victoire de 6-0. Le Drakkar qui a pas mal joué en passant dans ces deux matchs-là. On fait face à deux gardiens qui étaient en grande, grande forme. Vendredi soir, Bilia, plus de 40 lancés. Et hier, Xavier Potvin a été très, très, très solide contre les charges du Drakkar. Stoppé près de 40 lancés lui aussi. Pour récolter son premier jeu blanc, son deuxième départ dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Jonathan Boursier, c'est un joueur qui était acquis l'an passé sur des vols de Gatineau, c'est ça? Oui, il est arrivé cet été via transaction. Lui, l'année passée, il était avec les Olympiques de Gatineau. Ce qu'on lui reprochait dans le camp des Olympiques, c'est un peu son manque de constance. Cette année, c'est le contraire. Ça va bien, ça se passe bien. Depuis la série victorieuse, en fait, depuis l'Abitibi, il a été jumelé à Nicolas Roy et Alexandre Jacob. C'est une belle formule, je dirais. Tu sais, des fois, ça tient pas à grand-chose le succès d'un joueur ou d'un autre, mais Nicolas Roy, c'est un très bon fabricant de jeu, un gars qui est capable de servir de son physique. Jonathan Boursier a des très, très, très bonnes mains pour mettre la rondelle dans le filet. Puis la vitesse d'Alexandre Jacob fait reculer les défenseurs des équipes adverses. Ça crée de l'espace sur cette ligne-là. Et surtout sur l'attaque à 5 aussi, Nicolas Roy fait quelques matchs qui fait ça. Tu sais, il pratique une demi-heure par jour à se faire des petites passes à la palette, les attaques à 5 des Sags, avant les entraînements officiels. Et ça paraît, Nicolas Roy fait des passes entre ses jambes sans jamais regarder en arrière. Puis il sait toujours où Jonathan Boursier se tient au cercle à la gauche, gardien. Il a juste enfilé l'aiguille dans ce temps-là. Ça a été le cas dans le match de vendredi. Hier, ça a un peu moins bien été ce côté de production offensive. Mais dans une victoire de 6-0, c'est difficile de trouver des points négatifs, je te dirais. Brandon Schiller aussi va bien aussi, hein? Oui, malheureusement, a été blessé pendant un combat hier. Je sais pas si la nature de la blessure. J'ai pas eu de rapport encore. Je viens de rentrer au bureau ce matin. Plus de détails au courant de la semaine sur la durée de son absence. Je pense honnêtement que c'était pas un combat nécessaire dans son cas. Je sais qu'il veut s'imposer physiquement dans cette ligue, mais à 3-0, en sachant très bien pertinemment que le Drakkar avait peut-être pas les éléments pour revenir dans ce match-là, c'était peut-être pas l'idée du siècle de jeter les gants. De surcroît se blesser en plus. Ça pourrait être une lourde perte pour les Sags dans les prochains matchs, parce que lui aussi, c'est la combinaison chimique, je te dirais, avec Zoukinov, Paquin Boudreau et Schiller sur le trio. Ça travaillait très, très bien. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on fera du côté d'Yannick Jean si l'absence de Lyndon Schiller se confirme et se prolonge. Si on parlait maintenant aussi de... C'était un record, 8 buts, je pense. C'est un record de la franchise, hein? C'est pas un record, c'est on égalise une marque. Ça a été fait 6 fois dans l'histoire des Sags. Il aurait fallu en marquer un 9e, mais on a manqué un peu de temps. Puis le 9e but, il est venu à 30 secondes ou à quelques secondes du début de la deuxième période. Impressionnant la façon dont ça s'est passé en fin de semaine. C'était un gros week-end. Le Drakkar, dans les dernières années, nous a fait payer le prix, comme dirait l'ancien entraîneur Richard Martel. C'était pas facile d'aller jouer là-bas. C'était intimidant pour les joueurs. Avec le match de vendredi, puis la victoire ici à domicile, tu sais, c'est 18-1 le pointage dans les deux matchs, la série de la rivalité là en fin de semaine dans la LHJMQ. Ça s'est plutôt bien passé pour les Sags. Pour le futur, ben c'est de bon augure quand on va se présenter au centre Henry Leonard. Ça peut être chasser certains doutes, certaines craintes de certains joueurs quand ils se présentaient dans cet amphithéâtre qui est assez intimidant, merci, dans la LHJMQ. Après un début de saison vraiment très, très, très, très difficile, ont remonté la pente et c'est 6 victoires consécutives. Et vraiment, là, c'est vraiment encourageant pour la troupe de Yannick Jean. Hein. Et là, la confiance doit être à son sommet. Oui, la confiance est au maximum. Puis ce qui est le fun, c'est que les gars se présentent quand même à l'aréna de façon très sérieuse. Même après la victoire de 12-1, samedi, un entraînement, j'y étais pas, mais Yannick Jean me dit, ah, les gars sont rentrés au bureau, là. Il y a de la bonne humeur, ça, c'est plaisant. Mais les gars sont très, très, très sérieux dans leur façon d'aborder les matchs. Ils prennent aucun adversaire à la légère. Et cette semaine, honnêtement, là, c'est un très, très beau défi. Trois matchs. Mercredi soir, on s'en va du côté de Victoriaville. Vendredi, on reçoit Samuel Girard de Robertval et les Cataractes de Shawinigan vendredi soir, le 30 octobre. Et le lendemain, c'est les Olympiques de Gatineau qui se présentent. Donc, on aura la deuxième équipe au classement général, la sixième et la septième qui vont se présenter contre les SAG cette semaine. C'est un gros, gros test pour les jeunes hommes, la jeune équipe de Yannick Jean. En plus, Groslot et Creef ont quitté ce matin ou quittent présentement direction Fort Saint-John en Colombie-Britannique pour le championnat mondial des moins de 17 ans. Ça va enlever un peu de profondeur à la défense. Heureusement, Julien Carignan était de retour dans l'alignement hier. Ça a donné un petit peu plus de profondeur, un peu plus de marge de manœuvre à l'entraîneur-chef Yannick Jean. Mais cette semaine, honnêtement, c'est trois gros tests pour les Saguenay-Chicoutimi. En terminant, je veux t'entendre sur Richard Martel. Je n'ai parlé avec Phil Lesgagné vendredi. Phil, il est indécis face aux chances de Richard Martel de revenir. Je te dis ça parce que je ne sais pas si tu as vu l'entrevue qu'il a donnée à Michael Lancette. Toi, t'en penses quoi? Tu te promènes à travers la ligue. Est-ce que Richard Martel a des chances de revenir un jour derrière le banc? Parce que Sherbrooke, ça va pas bien. Acadie Batters, c'est aussi ça. Moi, je vois pas Martel à Acadie Batters, là. Mais avec Phoenix et Sherbrooke, ça pourrait être intéressant, non? Écoute, je vais te répondre par une question. Ben, en fait, pas une question, une affirmation. Si John Tortorella réussit à se retrouver un boulot dans la Ligue nationale de hockey, tout est possible pour Richard Martel. Puis je veux pas comparer le style des deux hommes. C'est deux bonhommes très, très, très différents, mais quand même des gars qui sont imposants par leur personnage, par leur charisme dans un vestiaire. Mais écoute, si John Tortorella réussit à se trouver une job dans la Ligue nationale, pourquoi pas pour le roi Richard? Écoute, là, t'as un bon point certain. Ben, Sébastien, on s'en parle la semaine prochaine et bonne semaine. Merci d'aller, vous aussi, bye. Sébastien Morin.